Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Bonne année, mes chers amis. Oui. Bonjour, bonsoir, mes amis, et bonne année. Ça, c'est notre première vidéo, notre première live de 2021. Et en attendant que Bami au Bazan en retard, Bakota, oh gosh. Voilà, c'était juste. Voilà. Bonne année. Bozali, très bien, je pense. Félicitations, bravo. Parce que na Congo koleka une année à une autre ezali miracle. Ezali miracle et soki boleki année mususu franchement il faut qu'on sepela mingi et remercier Dieu que à protéger Bino nonobstant, handicap ebele nonobstant, obstacle nonobstant, bato oyo bazali kokamba biso, balingi biso, soki pouvoir na bango ezali na problème, mais soki pouvoir na bango ezali na problème te, personne alors. Akoki ko se soucier na ba Congolais. Merci na ba ve na bino na réseaux sociaux donc juste awa sur Facebook et puis ba réseaux mususu et c'est difficile to répondre na mutu nyonso na mbala moko donc to komeka un peu ko répondre muke na bandeko oyo ba pense na biso ko souhaiter biso année ya malamu. Et comme vous le savez pour na biso juste c'est une année ezali juste convention mondiale oyo que 12 mois après bato ba célébraka mais moi comme je vous l'ai dit n'a fait aka jamais alors. Et bon, la convention, année eleki. Donc, félicitations et bravo na bandeko nyonso baleki année. Et puis, bandeko oyo bakoki ko leka année 2020, bakota 2021 te, oyebi ba raison. Ba raison ezali insécurité na mboka na biso. Ba raison ezali pauvreté na mboka na biso. Bato bazali kokufa même pon na malaria. Bato bazali kokufa même mpona libumu pasi mutu pasi traitement ya malunga eza te bandeko ebele batiki biso e bandeko mosusu qui n'ont rien à voir avec ma pouvoir na bango bandeko wana atikala komona Kabila te atikala komona Félix te atikala komona politicien moko te na porte ya ndako na ye mais bandeko wana abimi, soit avant de nanda kunaye, Et voilà, batu oyo balingi à tout prix kozala na pouvoir, kotika na pouvoir, fauché bango et abomi bango. Et tozali juste na unique mboka oyo, l'État a l'autorisation de tuer. Les politiciens ont l'autorisation de tuer. Donc, bakoki koboma yo ndenge balingi, justification exacte. Parce qu'on rendre compte de justice exacte et pardon exact, même ne fût-ce que pour morale, pardon exact. Et les mêmes personnes, au basali kobomabiso à tout moment, au komona bango, bakozonga, balingi pouvoir. Et kaka biso pe batu, au basali koboma, biso pe batu zali kokumisa bango, non, un tel azali. Yé kaka président, ce qui était ou jamais. Un tel, ce qui a commis ministre, était yé ou jamais. Alors, sans le savoir que Bandeko Oyo Tozali Kokoumissa, va tremper soit dans des tournements, y a trésor public Nabiso, soit dans des assassinats. Donc, ils sont autorisés. Voilà. Un jour, justice est causée, même si à titre posthume, Toko jige bango. Voilà. Alors, lelo toyoki masolo moi mingi pour na mboka na biso, toko meka un peu kozwa moko moko, bien que les alliés belé, toko si sa yango nyon sauté, si ça reste. Tokomeka ko zongela yango sima. Alors, avant to banda sur actualité o ezali koleka na mboka na biso et na komeka un peu ko pesa moi flash moko ezali faire toujours partie il y a situation il y a mbokanabiso boyebi il y a un mois je pense oui madame Denise Nyakeru azalaki na Dubaï ba congolais belé ba komantaki sur visite na ye na Dubaï et ce qui vous tali malamo, moto ce qui azali président, moi si a président, ezalaka un peu rare au mona bango bakende shopping, ah que alongwa na mboka na ye azo avion, a voyager na mboka mususu juste pour akende kosomba elamba, juste pour akende kosomba sapato ou bien akende restaurant. Donc ce qui bomoni bango na restaurant, au moni ye na shop. C'est que ezali juste un hasard il y a programme o ezala kinango na mboka wana hasard wana etindi que non a beta moi tour na shop ou bien na restaurant alia et mingi soki botali malamu bazalaka na batu na bango les hommes de course ou bien de femmes de course il y a bima na bango bazalaka na bango toujours est payé par l'État. Alors, je pense que Tolongoli photo na Facebook, Bandeko Oyo Bazalaka ba mina biso na Facebook, ezali na photo moko, ezali na Bruxelles, na kangaki ngai na directeur du cabinet. Il y a ministre, il y a affaires étrangères, il y a Dubaï. Bon, Tolombaï. Tokutana na ye, juste na conférence, il y a Solution Alliance. Je pense que c'est comme ça en français. Solution Alliance, ezalaki groupement moko. Il y a ba ministre nyonso na monde oyo na bamboka na bango bazali na bapaya donc les étrangers et ba ministre o ba s'occupa kana ba étranger na ba mboka na bango ba pays mususu ba tu ba ministre ministère s'occupa kana ba étranger ezali ministère affaires étrangères ba mboka mususu ezali ministère ya justice lokola na Corée ou bien na Japon ba mboka mususu ministère ya ya intérieur. Donc ça dépend ya organisation ya ba mboka. Chaque mboka bazana ministère oyo et s'occupa kana ba paya. Donc na kati ya ba paya wana tozali na ba réfugiés, tozali na ba catégorie ba paya nyonso. Alors solution alliance ezali ezalaki groupement association ya ba ministre wana nyonso ba s'occupa kana ba paya na ba étrangers na pays na bango. Pourquoi ba salaki eloko wana pour que à part kosolola makamba ba paya na IOM, à part kosolola makamba ba réfugiés na HR, ba ministre na ba monai que ba sala association mususu à part système ya Nations Unies, ba sala association mususu pour que association wana ba discuter mingi mingi makambo etali ba ba réfugiés. Même si en général les alaki ba paya mais so tali kuna ba agenda na bango nyonso ezalaki ba problème lié aux réfugiés. Alors na tango abandi ko kutana, ils ont remarqué que non soki tozali biso moko ezali très difficile parce que na ba mboka auto vandi na ba région auto vandi tozali na ba société civile oyo pe ba ONG oyo pe ba soki paka na ba paya ou bien mingi mingi na ba réfugiés. Alors il faut to inclure bango na kati bango pe ba ya ko discuter na biso. Alors ba yeko mona ke ba ONG wana ezali ebele ko mona mboka moko peut-être ba ONG 100 mboka moko ba ONG 50 ba bi non to ko benga ba ONG nyonso te to ko benga ba représentant batu oyo bazali na voix batu oyo bazali influent na ba région tolo ba par exemple na Afrique to benga représentant ya Afrique moko azala na biso na Amérique du Nord azala na, moko azala na biso Amérique du Sud Europe Asie Océanie bazala na biso suivez-moi parce que na boko comprendre pourquoi na zolo bayango. Alors eko tombe que na vandi na yeko mona une invitation invitation à la présidence il y a solution alliance ezalaki erwana ezalaki présidé par le gouvernement belge na yeko zwa invitation au gouvernement belge que nous avons remarqué que vous êtes influent en Asie Pacifique na makambo etali ba réfugié est-ce que olingi kozala membre ya ko représenté ba ONG ya Asie na Pacifique ce que ba lobi Asie elingi ko ba pays nyonso ya Asie Pacifique ba pays pe ya Pacifique donc na Pacifique par exemple Australie Nouvelle-Zélande ezali ba pays ya Pacifique et na Asie comme vous le savez ba pays nyonso ya Asie. Alors volontiers nandimaki c'était en 2014 réunion à Liboso na kendaki na Bruxelles. Cette réunion baluaki moi te baluaki sal na kati ya ya bureau ya na kati ya building ya Union européenne. Alors bande ko bavai na Bruxelles bayebi à cette époque là bon mingi so ina kei to bandai ko luka ko kutana na bango bayebi de quoi je parle. Alors j'ai participé na ba réunion wana ba réunion nyonso wana j'ai participé représenter l'Asie et le Pacifique. Alors que à partir de la réunion on a écouté ba relation mingi avec ba ministre ya ba mboka mingi oyo ba soki pa kana ba réfugié par exemple na Tanzanie, par exemple na Botswana, par exemple na Belgique, par exemple na Hollande. Donc ba pays moi et belé j'ai tissé des relations. Alors et on coïncidé que un jour photo an ezala ki na Facebook na longo lango d'abord en attendant. Un jour, j'étais juste à côté ya mutua asokipaka ya ba réfugié na ba paya na Dubaï. Alors, tant que tozo discuté, je parlais beaucoup là, j'intervenais beaucoup. A tuninga ya lobi mais ozali mutua peyini. et na pesie mwa histoire moke alobi en tout cas na ce pays na yo un d'abord toza mulai ndenge moko biso mibale et munene pe ndenge moko différence kaka yo zali noir ngana zali asiatique et mais en tout cas je me sens na sentir que ozali sozi na ngai na bien bon c'est bien to tisse ma relation. Il m'a invité d'ailleurs à deux reprises na Dubaï toke ne ko so la sur makambu ya bapaya na na Dubaï. Alors banda wana na lelo toza toujours ba mi to solo la ka on se change du mail to benganaka tozali na WhatsApp tozali na Imo to, donc tozali na ye c'est mon ami. Alors voilà que hier non avant-hier il voulait me souhaiter ma meilleure vœu. Alors bien nga professeur pour la COVID mais mikolo yo ba voyage na yo zo le kavia Dubaï te parce que ba voyage belé ce qui ozo sala au Kenya même Europe bien Amérique mingi so utiliser ba avion na bango o ko sala transit na Dubaï et mingi so na sala transit na Dubaï je passais par chez lui au monaka atindi même directeur ya cabinet na ye aye ko lukayo ce qui temps les amingi te vous allez voir toujours directeur ya cabinet na ye aye non to me mayo na restaurant olia. Et ce que l'obi kena wole kawana, je serai na passage transit à 1 heure. Au Komaka boy na aéroport, vous allez voir quelqu'un aux zela juste air aux zobi mana na avion. Oh non, batindi ba réserver ma chambre moko pour na yo au Pema pendant 1 heure et peut-être fait kolia na kati hôtel na kati ya zone ya transit. Alors, avant-hier, il voulait me souhaiter ba meilleur vœu. Et nga pena zone selier to soli moka l'obi na nga en tout cas professeur nazo lando mingi mais tellement monokozolo banazo yebate mais je comprends ozolo ba mingi Congo mais mboka na bino ezali sacré mboka na bino ezali béni mais vous avez boza vraiment na ba leader tu pourquoi comme ça babi qu'est-ce qui se passe alobina ngai vous savez ce que je te dis na lobby na zolo bayango parce qu'il faut na yebisa yo parce que ça me choque même si ezali malamu pour na biso pour na économie na biso mais ezali choque te connaissant mboka na bino na siècle auto ezali mboka na bino bo souffrir na niveau ya boye na tout dit mais qu'est-ce qui se passe alobi na ngai oyebi avant na yebiso d'abord li kam na linkoloba. On voit toujours batu ya mboka na bino ba ministre ba officier mboka na bino koya toyeba ka bango na ba passeport na bango officiel ou bien ba passeport diplomatique. Ce qui baye c'est rare omona immigration na biso ba sala rapport que mutu moko ayaki na passeport diplomatique ya Congo passeport officiel ya Congo na bagage na ye azala na moins de $100,000. C'est rare. La plupart ou komo na 500, 300, 400 000 dollars de 1 million, de 2 millions, voire même plus. Mais on se demande, nous, parce que tozana stéréotype ou tozana ngo bisonyon soke, Afrique ezali pauvre, ba Afrique bazali pauvre. Mais ndenge nini batu oyo ya votre pays le Congo ya l'Angola le deux pays wana soki ba officiel na bino ba ye na mboka na biso ce sont des millions de dollars na bagage na bango ezali malamu pona ekonomi na biso ba banque na biso ezali floué mais ça me choque je te connais na yebio ça me choque abi lelo je te dis. Tu sais que délégation moko ya présidence na bine utai kozala awa. Ngabi oui, na yebi et je parle aussi de ça na ba vidéo na ngai. Alobi na ngai mon frère. La femme de votre président vient de déposer 327 millions de dollars. Alobi na nga professeur, je ne blague pas. La femme de votre président vient de déposer 327 millions plutôt de dollars américain. $327 millions wana a été déposé na kombo ya président na bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Moutoye na mbongo wana ezali mwasi na ye. Et d'ailleurs, la banque, ba contact ezali déjà depuis le Congo, banque ba yayi déjà ko zelaye na aéroport, na ba coffre fort, ba zuye, et votre président a posé une signature électronique à partir à Jean Moko ya banque na biso awa, à Longwe awa, à Kendekti na Congo, avec une machine pour que votre président pose sa signature et dépose wana soki yeye ezala na compte na ye. La femme de votre président vient de déposer $327 millions au nom de son mari. Moutoye Bisingai Azali, un responsable. Après le ministre, c'est lui. Après le ministre, c'est lui. Je sais, bande konabiso, bayaka toujours, namoni déjà, babandi déjà kokomam, mensonge, lukuta, la ki sa preuve. Donc, c'est comme si, vous savez, quelque chose peut être vrai, même si ma preuve est exacte. Les gens s'arrangent pour que ma trace et ma preuve est exacte. Et la personne qui me dit, Azali, irresponsable. Azali, responsable. Il y a un problème économique en Mboka na Bango. Il y a un problème. Il y a ma relation na Bango. Mais comme Tozali Bami, il a jugé bon me le dire. C'est vrai. Dépôt et salémi. La question maintenant, c'est Mbongwana et Outi Wapi. Et l'autre, Toyebi, ezali que Mbongo et Outi na Congo et Keiti na Dubaï. Mais, Bazui Mbongwana Ndengeni. Bino Nangai Boyebi. Comment est-ce que bande konabiso bazali ko travailler boyebi pourquoi ils sont venus au pouvoir? Ils ne sont pas venus au pouvoir pour na yo pour na ngai, ils sont venus au pouvoir pour na ko s'enrichir. Ils ont beaucoup souffert. Ce dépôt est réel. Maintenant, ça sera une question. On a dit ça à notre ami. Sécuriser Moussala Nayo. Sécuriser pays Nabino. Mais, je lui ai dit, Ndengeni Nyoko Iko Pesa Bisso, quelques documents où on a ébissié, sans que Yo ose la dénoncer. Sans que yo osa la dévoiler, et voire même Bato Moussousou, Oyo Bayaki Koyamba, moi si ya président ya Congo, Tina Dubaï. $327 millions déposés au nom de Félix Tshilombo Tshisekedi. Déposés na Dubaï. Et là, comme nous sommes tous les gens avant de faire des choses, ils ont dit que les gens qui sont au Canada, l'aube, bien avant-hier plutôt, cette semaine ici, Bakendaki na Airbus bombardier. Bakendaki na Airbus bombardier, bon, moni vidéo moko, ezali kotambola, Félix, batwa Félix, moutazala ki na tête nango ezali, Monsieur Topin, kwebi ke Topin vanda na Canada. Soi-disant, Félix asombi avion na Airbus bombardier na Canada. Voyez-vous, Batou Oyo, ce qui est somba loko, ce n'est pas mauvais d'acheter un avion pour le pays, pour un président. Bien que Batindi Kabila na Cuba, mais Kabila boya ko zongi sa avion présidentiel. Babengani Kabila, mais Batiki Kabila kene na avion na ye. Kabila chassé du pouvoir, mais on a laissé Kabila avec l'avion. Il y a pays, Batiki et Akende Nango. Alors, Félix, Kotambola naye, Mingi et Zalaki, Bavion yako loué, na Rwanda, Bavion Moussousou Air, Moussousou en Afrique du Sud, mais Mingi Mingi, il utilise jusqu'à présent, Bavion ya Rwanda pour se déplacer. Il loue Bavion ya Rwanda pour se déplacer. Kabila ne voyage pas, mais l'avion, il y a pays cloué. Ma contact, il y a avion, il y a pays na maboko, il y a Kabila. Mais le président, soi-disant le président, il y a pays, loue un avion pour y voyager. Allez-y comprendre quelque chose. Bandekoana, basololi na batu, moi, Ebele, ba ebisi biso ke ba révélation ezali. Nous demandons la présidence ya Congo qu'il publie l'avion qu'ils ont acheté pour Félix a coûté combien? Bande konabiso balobi va obtenir ba audio, va obtenir ba papier sur le vrai montant ya avion wana parce que Airbus bombardier ba te kaka. Et ça, c'est le cola Wenze. Ma prix à bavion, on est yébani. Alors, ce que nous demandons, Batouya Félix va publier, va facture au Basombi avion pour na Félix. Et nous allons comparer par rapport à prix normal, y a bavion, wana. Boyebi bande konabiso oyo ndenge bazali, ba chekouler ndenge bazala. Ce qui avion ana écoutez par exemple 50 000 dollars, 100 000 dollars, 500 000 dollars ou bien 1 million de dollars, bango na facture, ba ya kobi Michel Abino facture, y a 5 millions de dollars. C'est un petit avion, to yebi ba prix ya ba avion wana. Et bande ko wana na Canada, ba bi tete, biso to vandi pembeni awa. Toyebi bureau administratif ya bombardier. Toyebi esika depot ya avion ya bombardier. Tozo kende to filmer depot ya avion. To filmer type ya avion wana. Après, biso to kenda ki na ba bureau wana tozwi ba audio. To tuni. Nous nous sommes fait passer comme si tozali to linko somba. Même type ya avion wana. Ba ebi si biso prix. Ba pe si biso facture pro forma. Tozanango. Alors, nous demandons que Batu ya Félix va publier ma facture. Il y a avion Oyo, ma sombi pour la Félix. Parce que ma sombi en réalité pour la Félix, c'était pour la présidence. Institution, président de la République. Ezali ya yo, ya ngai, ya ye, ya moutou nyonso. Ezali ya Félix, c'était. Ezali ya kabe ya kamouangati. Va publier ma facture. Il y a avion Oyo, ma sombi pour la présidence. Alors, toya na makambo siko ya actualité ya mboka, ya liboso avant mususu landani lobi na lelo, ezali discours ya Martin Fayulu. Moi, je dirais que le discours, il y a Martin Fayoulou, il a commenté sur Yango. Mais moi, je dirais que depuis que j'ai connu Martin Fayoulou, c'est le premier meilleur discours. Bah, discours est l'andani mibale. Félix a sali discours na ye. Martin Fayoulou pe a sali discours na ye. Après analyse, j'ai compris que les deux personnalités, le premier discours, il y a M. Félix, il a parlé de la situation. Il y a FCC cash. Il y a coalition à Bango. Il n'a parlé que de ça. Parce que sur le discours, il y a Félix, il n'a pas parlé de l'économie. Il n'a pas parlé, il y a ba point moussou saillant, il y a mbo cannabis à Mikoloyo, il n'a pas parlé de Minembwe. À l'obélie, arrêtez mon côté. Il n'a parlé que il y a bah humiliation oyo à Bandaki Kozoa. Au moment où Azozoa bah humiliation, Bissot, n'a pas source, n'a Bissot basali qu'on expliquait Bissot chaque jour qui passe que Monsieur Félix reçoit toujours bah humiliation. Mais bandeko na biso ba milouvor bazali ko ya toujours koloba tout va bien, le pays va bien, ça marche très bien, le béton est toujours béton. Et voilà, le béton vient pour vous donner un bilan de 2 ans colorié par 2 humiliations. Nga mouto na lobi yango te, ye mouto a lobi yango. Alors que le discours de Martin Fayoulou, Ezali juste discours, il y a état de la nation. À l'équipe presque, n'a pas point nyonso yambo cannabiso. Yebi, on va dire qu'on sautait comme Bamilou. Ah! Le mal chez nous, na Congo, na Bissau. Le mal, na Congo, na Bissau. Okoki kokumi sa moutou opposa na yo jamais. Ngai soye Félix a salé loko malam. Na okumi sa yé ki a salé loko malam. Na kolobelango, na yo ki il a fait libérer, il semble. Que monsieur Eddy Kapen serait libéré. Alors, Nakoukoumi, ça y est, bravo, mais en réalité, il ne fallait pas, Nakolobelayango, il ne fallait pas libérer monsieur Eddy Kapen de Nandengoana. Parce que maintenant que Kabila Batinda est na Kiba, Kabila n'agit plus. Il fallait maintenant organiser un procès, un vrai procès. Toyeba bah quand même Laurent Désiré Kabila, bien que c'est lui, Azali parmi Batoubaye, la biso bah merde. Mais il est mort président de la République. Il faut Congolais Ayeba. Qui a tué ce président de la République? Mais libérer Batou Bazali lié à affaire Wana. Ezala, Bakosela Kibango. Ezali ya solo. Il faut qu'on libère Bango après un vrai procès. Congolais aye ba vérité. Et puis, ba oyo bazali coupable était, ba libérer Bango, c'est tout. Parce que procès, il y a Laurent Désiré Kabila, et qu'on aide Yope Félix oye ba mbouma, et qu'on aye la na fenêtre nini. Parce que procès, il y a Laurent Désiré Kabila, ba détail wana okoye ba commerce ba planifier ki yango mbumeye la ki na côté nini na fenêtre nini et outa ki na pays nini nani pendra ya ki na mbuma na présidence. Mais quand vous graciez comme ça sans vérité, faut faire très attention. Pour moi, Eddy Kapend c'est parmi bato oyo ba ye na mboka na biso na ba botte ba semer désolation na mboka na biso. Ezala a sali 20 ans en prison, 30 ans en prison. batuloko la bayidi ka pende bazali ba parmi ba source ya malaire ya mboka na biso. Boyebi combien de familles balelisa moi-même je perdis mon fils pour na batu oyo. Gracier c'est bon, mais il fallait zala par conséquence il y a justice au gracier bango. Alors, je disais que na mboka na biso ceux qui tozali ba résistant, ceux qui ont lobby eloko moko ki parce que moto akoyi ko sala pe eloko malamu. Bien qu'en général nyonso ezali mabe, na culture na biso ya Congo ceux qui ont remercié lobby par exemple Félix a sali eloko malamu na félicité na eloko wana. De plus vous devenez au komi muta beton. Bon mon prof na bino a komi fati beton. Mais il y a vraiment na yebakate ba lesa biso ni. Mais Moutazonoba, tu as la prof na yo a komi fati beton, au Roman a vendu na France, a vendu na États-Unis, a vendu na Canada, a vendu na Occident, et sika quand même, bazo mona opposition ezala kandenge nini, résistance ezala kandenge. Bon, bandeko la pe mingi ba vendu kuna ka rapport ba liya ba burger, tant ya okende classe a meka ko cultiver bongo na ye ezate. Moi, j'ai félicité le discours de Fayoulou. Ça ne signifie pas qu'il a commis Mouta Lamouka. Naza Mouta Lamouka. Et d'ailleurs, lui-même, il a zappé Lamouka. Lamouka n'existe plus. Naza Mouta parti na yete, son parti s'appelle comment? Et ici, c'est quoi comme ça? Naza Mouta parti na yete. Mais j'apprécie quand même Martin Fayoulou. Parce que Martin Fayoulou, so ki totali lit nangai ya banti valeur so totali lit nangai ya culte ya personnalité. Vous allez voir que Martin Fayoulou n'a pas trempé na ba corruption ya mboka na biso, n'a pas trempé na ba assassinat na mboka na biso, que ça soit yemoko, que ça soit famille na ye, que ça soit ba parents na ye. C'est ça le type des Congolais oyongai, je peux apprécier, bien que politique n'aille peut-être que tozali na ba divergence ebele, mais na point ya background, c'est-à-dire que ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous avez contribué na passé ya mabe ya mboka na biso biété, Martin Fayoulou, moi je dirais, au lieu bo yembela beton na bino kazali propre. Il fallait qu'on yembe la Martin Fayoulou, que Martin Fayoulou est ma boko pembe azali propre. Parce que votre béton, il a coopéré avec Kabila. Il a signé un deal avec Kabila. Mais vous maintenez toujours qu'il est propre. Et pourtant, vous dites que ça, deal na Kabila. Asali deal na ba Ougande. Asali deal na ba Rwande. Pour ablanchir Bango. Mais vous continuez que bengaye monsieur le propre maboko pembe. Alors toyebi ke ba idio bazali ebele na mboka na biso toyebi yango. Excusez-moi. Moto moko ayebi sangai na inbox prof na za remarque reproche moko ifuna sala yo. Eza parenthèse. Abi remarque nini? Non yaka na inbox na ye. Prof remarque na zo sala yo. Pourquoi yo sozo sala live? Bande comme so soyi bazo sala ba live na bango ba melaka soki nini wana melaka ti. Yo melamela kaka, o melaka nini yango? Excusez-moi. O melaka nini yango? Non, na melaka mai ou bien er moko na melaka ti. Ah, na melaka mai ou bien ti. Les amis bêtés comme là, parce que si on dit que Mongongo est ok de cracher mouké, il faut comme là moi mouké pour que y a adoucir quand même Mongongo. Que vous mon anga à tout moment que ça la cabane mouvement a bien été. Alors, Fayoulou, je disais, Azali parmi Batu Oyo, moi je peux dire que les lots ceux qui m'ont nommé quelque part, na koyi ko m'opposé na yete. Mais moi opposition moke koyi ko zala ba nommé yo na système ni. C'est ça le problème. Parce que notre problème en réalité ezali problème ya ba individu et ezali aussi problème ya système. Po bozo mona bande ko ebele oyo ba mémoire eza faible. C'est normal. Bande ko ba mémoire ezali faible, ba bongo ezali faible. Il croit que notre lutte c'était juste pour la personne physique ya Kabila. Mais non. Tono bakango à tout moment, notre lutte n'est pas seulement la personne physique de Joseph Kabila. Notre lutte est aussi le système. Et mingi mingi notre lutte c'est le système. Alors, kokumi samutu o asale loko malamu. Ezali mabete. Et ko passe yote o longwe na résistance, oza sous résistante o komi mutu ya mutu wana. Tolo balikambu ya malamu pona M. Honoré Mbanda. Ah non, o komi mutu oza laka mutu apareko, oza mutu apareko. Mais non, naza mutu apareko te. Mais je partage. Toza in naba point. Il y a convergence et belé na monsieur Honoré Mbanda. Alors koku misaye na musala me fait pas passer na personne oyo nazali ngamoko une lutte une résistance solo et kote sanga na pareko parce que na komisi mukonzi ya pareko. Je félicite les discours de Fayulu et comme si ngaite mutu ya lamuka ou bien mutu ya parti na ye parti politique na ye congolais il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue. Na komisaka moi si ya Félix. Na tangwa yaki par audio a dénoncé tribalisme na kati ya présidence. Deux jours après Félix après avoir nommé ba conseiller na ye. La femme de Félix est sortie par l'audio, a dénoncé Yango que non, Félix a connu qu'on allait peut-être occupé, mais il fallait quand même botala moi mouké que comment expliquer liste moulaï boye il y a plus de 600 personnes toujours kassayen et kassayen peignon sauté balouba. C'est pas moi qui l'ai dit, moi c'est Félix Aloba qui Yango Alobi à la fin. Boya ko loba ono balingi balubate balingi balubate biloko aboye est-ce que comment est-ce que batu ba kolinga bino moi ça Félix Aloba ki yango na félicita ki ye. Elle a remarqué que autour de son mari népotisme ezali tribalisme ezali a dénoncé yango bien que ba vandisa ye que non soki olingo vanda ye ba ke remplaçante na yo azali soko kosoli susu ye ba ke mwana ya famille mpela azali akoma première dame yo ko zonga siko yo ba ko rétrograder yo na deuxième dame. Madame Nyakeru a linga plaisir. A koyiko linga jamais ba rétrograder ya comme deuxième dame. Voilà. A kangam no konaye. Mais tribalisme wane zalaki. Elle a dénoncé ça. C'était vrai. Donc, koukoumisa moutou, na eloko moko. Parce que, na tant tozo koumisa, tozo lo bape pourquoi na koumisiye. Pourquoi na lobi félicitation na eloko wana. Mais je reste en général résistant. Je reste en général opposant. Voilà. Yango bomonaka mon fils tango amemaki ba conseiller à Félix na restaurant. Ba camarade na ye bazalaki na ba coin. Bazokanga ba photo na ba vidéo. J'ai dit à mon fils, il faut pas qu'on publie yango. Parce que ba congolais baza na façon moko hein. Congolais la façon. Soko pibi yango ba koloba yombi nzoka nde aliaka na ye na batu ya Félix. Non, baza batu bauti musika na Congo. Ba ye na Corée 17,000 kilometre. Banda Congo ti Corée 17,000 kilometre. Baza quand même, po biso on ne considère pas batu ya Félix lokola ba ennemi. Tozali bo opposa biso toza ba résistant. Toza ba ennemi te. Naebi Sakabino, moi je peux voir le fils ou bien moi na ya Félix na nzela na ko telema na ko pesa ye mbote na ko proposer ye mai. baza ba ennemi te. Bangonde bazo considere biso ba ennemi. Ba lukaka biso na ba aéroport po ba beta biso. Mais pour moi, en tout cas, je peux rencontrer Félix, je peux rencontrer sa femme, ses enfants, famille naye, bazali ba ndeko nangai. Bien que, sur le plan politique, tozo yo kanate, mais bazali ba ndeko. Discours il y a Martin Fayulu, Ezala qui sur l'État, il y a nation. Il a bien expliqué que Bazali kozwa batu moko kaka wana ba contribuer na mabe na mboka na biso, ba contribuer na système o ya mboka na biso. Le même personne bazo recycler bango, les mêmes personnes qui viennent qui reviennent. Donc tozali na gestion moko cyclique. Et pour ta pays, il faut la gestion linéaire, pas cyclique. Il semblerait qu'il y a plus de 80 millions. Mais vous allez qu'on soit les mêmes, le même, le même, le même. Tous les copropriétaires, il faut donner la chance à tout le monde. Et ça, c'est que, oyo bazalaki, bilan à bango, banda bazala wana, bilan à bango négatif, ce sont les mêmes que vous prenez, vous changez juste les noms. Non, hier, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a salut public, mais le gouvernement, il y a un gouvernement d'Union nationale, donc il a changé, c'est un transformé. Mais il faut que ça la bête. Franchement, il faut que. Mais dans ce monde, il y a une bête, belle. Dans ce monde, il y a une bête, belle. Quelqu'un, Mouyibi, qui a contribué na gouvernement, Oyo Bissonion Sotozali ko Boya. Kabila ne travaillait pas seul. Kabila ne volait pas seul, ne retournait pas seul, n'assassinait pas seul. Kabila détournait, volait par Batou Oyo Nyonso Oyo. Il y a système na ye. Mes chers frères et sœurs, Batouana, s'ils étaient dans un gouvernement de salut public, vous formez un autre gouvernement que vous appelez gouvernement d'Union nationale et vous vous dites c'est un nouveau gouvernement et les membres de ce nouveau gouvernement sont transformés, sont maintenant des saints. Mais vous êtes bêtes. Na batu oyo bazali kolanda kondima makambo na pe bazali ba bête. Fayulu l'a dit, ce sont les mêmes qui reviennent. Yé mokope, Azali Nakatambebala, c'est ça le politicien congolais. Il dénonce que ce sont les mêmes qui reviennent, bakotisi bango siko na union sacrée, mais yé moko autour na yé, Azali pe na batouana ya système kabiliste. Mozito est là. Premier ministre de Kabila. Lisanga Bonganga est là. Ministre de Kabila. Mais lui-même prend le discours pour dénoncer que Félix Azali Kozwa, kaka batouana, moko wana ba contribué na régime Oyamabe, bangwana a recyclé, mais lui-même est en train de recycler aussi autour de lui. Voilà les politiciens congolais. Voilà les politiciens congolais. Pour ne qu'on dénoncer Moutou, faites attention autour de vous. Est-ce que Yomoko Ozali ko salape makambu oyo Ozali ko critiquer Muninga? Ngai banda bancêtre na biso. Banda bancêtre, banda Congo. Banda bancêtre nangai bazali et sika bazali. Nokote, papate, mamate, cousinte, atikala ko contribuer, ezala au niveau ya quartier, ezala au niveau, na niveau nyoso public, mutu mokote atikala ko contribuer na détournement, na ba assassinat na kobo. Mon père était un infirmier. mikolo ndenge bozomo na COVID yo bato nyonso bazo betela ba agence sanitaire maboko. Mon père sauvé des vies. Moi-même, na tikala ko participer ata na musikate, ata na pembenite, na détournement, na assassinat. Je n'ai jamais participé. Na eloko moko ya mabe, public na mboka na biso. Bozomo na sali 2 ans yango yo. Boyi bande ko na ngai ko faire face na ba milovor. Bande ko na bazali makasi na lukuta. Et ceux qui m'ont que aux autres chabango kaka, ba okende ko luka information na yo. 2 ans yango yo, ngai na bango mbeli mbeli. Croyez-vous que surtout à la kabatu, nous avons contribué na mabe? Mbele ba milvor ba sambu sabiso bandakala. Ti bengo ba moni ba yeko bimisa ke no cuisinier. Parce qu'ils ont cherché, au Congo, ils ont cherché na Corée, ils ont cherché partout na Kendaka. Ils n'ont rien trouvé na yebisa bino. Ndeko na bango mo milvor ki travaillait na ambassade ya Congo na Corée. Atambula na ba communauté africaine nyonso. Aluka nani azali na dossier ya mabe ya yombi to publié yango. Atambula akena na communauté nigérienne, communauté ivoirienne. Donc na ba communauté africaine nyonso batambula. Baluka nani azali na dossier moko ya mabe ya monsieur Yombi to publié. Ti lelo, ti yeso akoya bakozwa ta moko te. Vous savez, na bamboka bamboka ebele même bamboka to vandi. Il y a des fois il y a des histoires comme on a bato mususu même si bato ebele balingio mais comme on a moko mi balé balingio te. Même si na mboka kore moi et ma famille to zali honneur. Membre moko ya famille na ngata okende quelque part, ezala na shop, ezala matina bus, a matina train, a matina métro. Sans que Koreye moko ayako landa loba ntuka tolinga ka famille na bino mingi. Felicitations na musala papa na bino azosala. Mais, batu oyo peut-être pe, musala azana ngote, aluka musala azwate, azomona noir moko auti soki na Afrique, ayeko zwa musala peut-être ndeko na biso Koreya ko ayeko zwa musala wana. Moi batu andeko na pe bazala. Moi, dès que je suis devenu populaire na Corée, biro na ngai soki oye ozali mwana ya mwasi. Eza la coréenne, eza la mupaya, porte na ngaya mireza kofungula. Alors, na yego remarke ke na hiver, lokola na hiver boye, kofungula porte ya biro, mupepe ya ezo uta na couloir, eza mabe, je demande à l'université, na tiaba kamera na kati ya biro, libanda ya biro, na porte. Soki oye na porte, kamera ezali. Na kati ya biro, kamera ezali. Po ezala te ono, bomoni kaka makamba boye. Bako tinda milvor moko ono, kende kuna lobaka ka uza refugee boye, ukokota kaka koti na kata biro, atushe ngayi. Ba kamera ezali. So koti na biro nanga, je vous informe. Awa, moi j'enregistre. Kamera ezali, na porte kamera ezali. Voilà. Parce que na boyi mutu, ayako bima, oh non, un jour, c'était donc, mais enfin, donc, pindye ou, Deux ans, yango yo, balouki, balouki, et loko, ike levé. Alors, tout ça, la dengeni, loko, a to zuite, o, to koyiko salirie, a di, aza cuisinier. C'est tout. C'est comme si, un cuisinier n'a pas droit de parler pour namboka na ye. C'est comme si un cuisinier a zan a droite ya ko défendre mboka na ye. Mais non, ceux qui n'aza cuisinier, c'est bien bon n'aza cuisinier. Félix n'a na lambe la kaye. Cuisinier te? Si ko cuisinier wana lambe la Félix, ceux qui a siliki. Abibino bozo minimize ba cuisinier. Tika si ko na tche la Félix poussière ya mbouma. Na bilo kwa olia. Boko se fela nango? Parce que elle bozo minimize non aza cuisinier. Mais Félix a zana ba cuisinier ko tambla ye alinga ko lia ko tambla zo tambla banane balambela ba cuisinier te. Voilà donc. Je disais pour na Martin Fayulu discours ya malamu. Mais il faut faire très attention quand vous faites ce type de discours aux alli qu'on critique, c'est bien. Mais quand on peut critiquer ça, le coutate, c'est vrai. Mais yo moko mitala na katina yo autour de na yo. Les mêmes personnes osent critiquer, les mêmes systèmes osent critiquer. Ozanangote, azanango. Est-ce que Martin Fayulu, parmi les 80 millions yaba Congolais oyo bazali na katia mboka na biso na libanda mboka na biso, il y a pas de personnes qui peuvent remplacer par exemple Mozito. Il y a pas de personnes qui peuvent remplacer Lisanga Bonganga. Mais sur ce point-là, il fallait garder silence. Parce que vous n'êtes pas un exemple sur ce point-là. Vous allez voir à Lobby, Azosa l'équipe Naye, d'ici le 20 janvier, Azosa l'équipe Naye. À total l'équipe Naye, Azosa là, s'il n'y a pas de ces gens-là qui ont contribué à la destruction à Mboka na biso. Et le point où il y a lobby sur la diaspora, il est le seul, le premier, de reconnaître que la diaspora est une puissance importante à Mboka na biso. La première puissance où ils allaient que Simba Mboka na biso, c'est la diaspora. Parce que les lots qui ont lobby que Western Union est Kangami, MoneyGram est Kangami, Congo Wana, deux jours, une semaine, ils ont belé, Félix va fuir. Parce que bande que belé, oyo bazali ko kende, ko betre ka Félix Maboko. Après avoir koya ko kosa maladie, na bande ko na bangona diaspora, ah oyebi, moi na kutu na butu, fièvre, moye zate, mbongo zate, tinda, ko tindo tindi, papa azana bar. Papa azana limité na 10e rue. Papa azo ke koumisa béton. Mais mbongo azo zui la force. Il y a beaucoup mis ça béton et ils ont dans la diaspora. Vous voyez très bien que mois décembre, janvier, bande konabiso na Congo, bien que Makambo y a souffrance et belé, mais na souffrance wana, il multiplie des stratégies à kobinisa la bato diaspora mbongo. Na yisa bina na tinde la de komoko mbongo, na tinde lié. Tellement ba mesana na ba stratégie wana. Formule na okendele na komemela ye pour que atinda na tindi mbongo 3 jours après na bengi ye pona vérifier est-ce qu'il a retiré ou pas. La première phrase ndenge ni bozabie ah biso wa piaka moite o mon frère na uti ko tindela yo mbongo na zo benga yo pona tuna oze ah limbisanga na bosana ki na retira ki o medi c'est-à-dire que exact slogan na kati na bango. Soko bengi muta Congo, c'est rare yoka boni kuna bino bozabien. Bozabien yaka sima. Avaikata. Oyebi papa boye. Oyebi mama boye. Oyebi noko boye. Oyebi tantine boye. Maladi, akufi, tinda. Di. Tuna nanu, bozali malamu. Bambo kato vandi ba COVID yango. C'est rare mwana batwa Congo. Babenga. Juste kaka poba tuna kuna tozo yoka ba information. Ba maladi oyo COVID eze belé ndenge nini bino kuna boza malamu ah toza malamu na benga ika pona tuna ici jamais ba ko tuna ndenge nini bino kuna solo bike no joana no papier na bike bango papier na bike zalaka na poche tozo condamné bango te parce que mboka na biso ezali laissé kaka boye na yango moko. Peuple na biso bazali laisser kaka bango moko boye ba kostala ndenge nini batu ba okoma mwa ba escro ya mike kokosa ba stratégie pour que otinda to condamner bango te. Alors c'est Martin Fayulu qui a reconnu que la diaspora est la première puissance avec 2 milliards de dollars par an. Mes chers amis, ndenge bozawana Félix nani a siapesié 2 milliards de dollars. Banda a koti deza yango, nani a si a pesiye, partout a zo tambula na ba avion a zo tambula. Olia tambula, ayako tambula ammo na diaspora. Olia solana diaspora. Parce que na diaspora, y a des gens qui peuvent mobiliser ba barrière de fond. Tozali. Moi, je ne me vante pas. Tozali. Moi, je dis, na yebi sabino que na zoa une organisation internationale na kamwa na bandai ko yoka na zo kende ba réunion une organisation ya monene. Mais mokolo na komaka président ya organisation oyo, vice-président d'abord. Nazala ki étonné que mbongo oyo bazana ngo ezala ki moke. Mais j'ai laissé cette organisation avec combien de millions de dollars? J'ai laissé cette organisation avec combien de millions de dollars? Je connais presque, mais presque, des bailleurs de Foibele. Na kotana na bango, na solana na bango, pour financer l'organisation Nangai. Nangai était bon, organisation Nazaraki président, parce que je représentais Nakoloba, organisation Nangai. On peut mobiliser ba bailleurs de fonds. Mais on peut mobiliser ba bailleurs de fonds avec quel système? Bon, dimi ke nga vraiment ici ka na vandi awa. Na kende penza, na ba multinational coréenne. Na ebi sa bango ke non, bo yato kende bo investir na Congo. Entre temps, ozo yo ka se ki se passe na Congo. Mbongo ezo bunga, mbongo ezo bunga. Bato o bazo landele makamba mbongo wana, ils sont empoisonnés. Bazo koufa simitma comme ça, retrouver mort à la maison. Oh, moutou oyo azana dossier important. Et d'ailleurs, naba mboka o ezali sérieux. Quand un inspecteur azali na sima ya dossier, ya pays boye. Quand un juge azali sima ya dossier, ya pays boye. On le sécurise, d'abord, bako djoye, bako tchaye na place moko secret. Cette place secrète bako tchaye kuna, ti makamane ko sila, même après, sécurité et ko zala toujours. Bon, moni Jiji Yani est mort comme ça. Ba version moussou soya lobe ou non, to moni ba lesio, ba dokola ba betaki. Ba betaki, mais azala ki na ba policier. Ba policier wana, to moni ata mokota se justifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Mboka ya ba investigation. Ti lelo, bazo vérifié. Voilà maintenant, il y a un autre inspecteur dans un dossier présidentiel retrouvé mort. Oh non, basala ki opération. Dit. Basala ki opération, il fallait couper la wapi nanda kuna yete. Il fallait couper la place secrète au Bokene Kouchaye. Excusez-moi. Alors, vraiment, dengue to vandi boye, n'a mobilisé batou, que non, mes chers Coréens boya, mes chers Japonais boya, Australien boya, toke ne ko investir na Congo. Mais et si li na bamboka o vandi fokima, parce que mbongo wana ko kendezo kende kaka boye. Eza na poche à Félix. Voilà, 327 millions de dollars, la femme d'un président dépose dans une banque à l'étranger, à Zuwapi. Aïe, bazo sa la propagande. Elle-même nous a dit, bazalaki nan bon goûté, même kouta ko sa la propagande, ko somba me ba t-shirt, bazalaki nan goûté. Mais voilà, deux ans après, elle dépose 327 millions de dollars à l'étranger, Bazui Wapi. Donc, ba Congolais, ou ba koyi ko mobiliser ba investisseurs, ba bailleurs de fonds, ba zangite. Il y a des Congolais qui sont assis sérieux na bamboka. Na diaspora y belé bazali. Mais pourquoi bazali ko sala ngote? Parce que on voit d'abord la personne ou azali à la tête de notre pays, c'est un escroc. Ngam na lobby yangote, ba journaliste international bazolo bayango, c'est un escroc. C'est un chekoulé. Alors, yoso lingite ba jatik ba landa yo na ba macheto ba katela ka loso. Yo zwa bango kene na bango keno tokei na Congo, bo kene ko investir et pas président la biso béton. Oh. Mais président la biso béton, c'est un escroc aza chekoulé. Mbongo abatu, bako yiba yango. Alors, yo bozonga so na mboka na ozana diaspora te, Oko kima. Parce que ce sont les Européens qui peuvent s'hasarder, bah qui ne peuvent investir, parce que bah ils très bien que ceux qui investissent na bango, boyibi yango, ils vont utiliser leur pays. Bah français par exemple, pour bah qui ne peuvent investir na Congo, bah au Bangati, bah parce que ceux qui boyibi mbongo na bango, bako kena gouvernement na bango bako yebisa makambo na nyonso gouvernement na bango bako tinda minduki quelque part po ba batsabino pression bozongisa mbongo na bango mais basiatique bakena na politique ta basiatique bakenda kana juste commerce ba investir business c'est tout basiatique sécurité politique exacte mais les européens les américains bango bako banga te bake na Congo ba même si ba yebi Félix Azay escroc bako banga te bako kende parce que soki Félix escroqué bango mbongo bako utiliser ba gouvernement na bango le gouvernement américain bako utiliser gouvernement belge gouvernement français gouvernement britannique pour que ba récupérer mbongo na bango par force mais ba jatique ba za biloko na te vous escroquez l'argent du gouvernement coréen ba coréen ba wala na mbongo na ndenge Vous escroquez mbonga ba japonais. Ba japonais ba holanda mbongo na ndenge. Tiens, voilà pourquoi batouana bango po ba investir, il faut voir d'abord les sérieux qu'il y a à partir ya mutuaza na mutu ya mboka. À partir ya mutuaza na mutu ya mboka. Et na yo pe mutozo convaincre bango po ba kende. Est-ce que vous allez sérieux pas na bango ou bien vous allez sérieux? Voilà. Nous, on parle, chaque jour, on parle. Dans la barrière de fond, on se parle. Et bien, écoute tellement Banda Kala avant Félix Akoma, va pèser le pouvoir. On parlait de ça. Si vous Banda Félix Akoma, il y a des informations, il y a des informations, il y a des professeurs, il y a des informations, il y a des informations, si vous président Azamoutou, il y a des informations, non, pourquoi? Pouvoir échanger, non, pouvoir échanger, te changer tes systèmes ce sont des personnes qui ont changé mais le système reste toujours le même et d'ailleurs système yesika ezali kutu plus pire parce que à partir les banda place à zalaki renommé escroc de grand chemin renommé chekoulé siko mutu ya ndengo wana boye ko china mutu ya mboka mamwani tatwani voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mbongo ni nesie leki na présidence boyoka ke ba yibi yangote. Mbongo nini eleki na présidence boyoka ke ba yibi yangote. Na réserve nationale, soki kake mati ba yeba komboli. Soki mati ba yeba komboli. Mais c'est pas Kabila mutu azotinda bango boke neko kombola. Kuna quand même, hein? Alors, on ne peut pas mobiliser batu ya batu parce que bango force ya minduki ya ko ne ko récupérer bango na minduki zate. Donc nous disons à Martin Fayulu si réellement il incarne ce changement tozali ko senga na ye azala kakate na position ya critique Aza la peine à position, il y a autocritique. Point mingi o nazali kolobela, ezali point. O ya lobby congolais nous a sepeli nango. On recycle les mêmes qui ont contribué à la destruction en Bokanabiso. Ce sont ceux-là qui reviennent. Alors, yetatala, pembeni na ye. Lui aussi ne recycle pas. Mozito est là. Lisanga Bonganga est là. Ba o na ebi bangwana, o na ebi pete bazali. O na ebi te bazali. Est-ce que nakosi? Nakosi, nana bete ki maboko te pona bato, ndenge fayula lobi ke ba recycler bango bazongisi na union sacré. Mais oui, bazongisi na union sacré, mais yo pe na kati ya groupe na yo, pembeni na yo. Les mêmes personnes vont recycler Bazali parce que entre qui Modeste Bahati Luketu, c'est ça son nom. Hein? Son nom c'est qui? Oh, il va nommer un formateur. Bahati Luketu. Je pense que c'est ça son nom. Hein? Bon, Bahati quelque chose comme ça. Il faut la Bahati Luketu bien naïbité. Alors. Mais Bahati Luketu et Mozito sont des amis. Bakuta na wapi. Bahati Luketu na lisanga bonganga sont des amis bakutana wapi. Voyez-vous, bazali ba produit ya Kabila. Alors mon cher ami, plus de 80 millions ya ba congolais. Des gens assidus bazali. Ba intellectuel na expérience bazali. Au Congo, on a tiré comme on a été vraiment un leader d'un parti politique. Alors, que non, moi, je reste leader d'un parti politique. Et je propose. Parce que si Koyo, ils ont union, ce qui est union, salé, Balobi Tolingi, Soussou, Batuya Kabila, moi, je travaille avec Kabila. Bien que je suis majoritaire d'un parti Nangaï, je m'appelle Bahati Luketu. Alors, poto tcha image ya mabete Félix a balobi que Félix a une vision ya malam. Poto tcha image ya mabete, moi j'ai travaillé à maintes reprises avec Kabila. Alors, je vous propose quelqu'un d'autre na parti na ngai oyo qui n'a jamais trempé avec Kabila. Parce que tout le monde se défend, tout le monde n'a pas volé. Na Congo, tout le monde n'a pas volé, tout le monde ne vole pas. Mais l'argent disparaît. L'argent est détourné chaque jour. Et au Congo, chaque jour, tout le monde ne vole pas, ne détourne pas. Il y a des gens qui savent. Que... Il me voit, je suis en ligne, mais m'appelle. Donc, je disais que au Congo, Batouana, Nyon, Sokobanda, Kabila, Félix, tout le monde, il ne détourne pas. Bayibakate. Mais c'est chaque jour qui passe, l'argent disparaît. C'est quoi ça au juste? Donc, chez nous, il n'y a pas de politiciens responsables qui peuvent se dire, bon, moi, Bahati Luketu, je suis, mon parti est majoritaire na Union Salé na Biso Oyo. Mais comme j'ai travaillé avec Kabila, comme vous voulez donner une image propre, il semblerait que lui-même, Félix, est propre, Maboko Pembe. Alors, donnons une image propre. Moi, je travaille avec Kabila. En général, on a contribué à la destruction à Mboka na Biso. Moi, je ne prendrai pas parti. Alors, je propose une autre personne. Bahati Luketu na parti na ye, batu oyo basala na unte, basala expérience, basala na nuna na détourné na Congo. Yana pas? Yana pas? Kaka ye? Alors, nous attendons l'équipe de Marté Fayoulou, le 20, comme il a donné de l'importance à la diaspora, comme la diaspora est la première puissance. Je pense que ceux qui ont sali équipe, prenons par exemple la sali équipe, il y a 20 personnes, au moins 10, il faut baouter la diaspora. 10, il faut baouter la diaspora. Et ce n'est pas la diaspora, djaleliste. Oh, peut-être que Marté Fayoulou tango atambulaka, oh ba yambaka yoko betra yo maboko, non. Des travailleurs qui peuvent mobiliser na diaspora ici ka bavandi. Po bande kebele tu ba to vandi na diaspora awa. Bande kebele même chef à quartier na bango ici ka vandi ayebiyete. Bazali ebele problème na bango eza amela masanga, alata ba Weston, alata kitoko ba Versace, c'est tout. Marté Fayoulou azoya maboko, Marté Fayoulou azoya le président Eli. Mais de telles personnes tozana bango pour ça, oui. Mais na situation oyekoyiko comme ma pona ko changer mboka, il faut voir qui peut vous aider. Suivez l'erreur de votre ami Félix. Félix a keko Kongola ba cousin nyonso famille nyonso kabeya ka mwanga tout a Kongoli bango na présidence atie bango. Voilà les résultats. Ils sont là juste pour na mabumuna bango pour na ko s'enrichir. C'est tout. Les Congo c'est pas leur problème. Vous avez suivi son ministre, non, son conseiller qui est passé dernièrement, je pense que c'était à la télé TV 24 ou bien TV5, en tout cas en France. Les journalistes posent une question. Quels sont les objectifs du président Tshisekedi pour l'Union africaine. Comme vous savez que Kalamingi Tebozoka, ba milvo bazo bandako ganga Fati Beton, on a comme président de l'Union africaine. Cette présidence de l'Union africaine est allée électivité, est allée à tour de rôle. Alors, Afrique est au coin la libabe malchance, tour de rôle il y a un moment où yo, est allé Félix Moutazana Congo. Donc, Félix Moutazana Congo, président de l'Union africaine. Donc, Félix Moutazana Congo, président de l'Union africaine, il n'a pas été élu parce qu'il y a Azali Mayele, parce qu'il y a Azali une expérience. Non. Présidence à l'Union africaine, ils allaient autour des rôles. Pays Oyo, Bakozoa présidence. Après, je pense, 2 ans, je pense. Pays Boye, Bakozoa. Après, pays Afrique du Sud, Bakozoa présidence, je pense. Basilici. Si on est Congo. Mais Afrique, si on est Libabe, na Congo, si on est Nani, Aza président. Tokota, l'Andenga, Banako, dirige, ba réunion. Va filmer à Gototala. Tolin to mona to bana mona ba vidéo ndengini na bana ko diriger Union africaine. Alors, c'est inutile bobeta maboko d'applaudir que Félix a commis président Union africaine parce qu'il a zamayele, parce qu'il a une expérience. Non, ezali likambo moko à tour de rôle. Loko ali kelemba na Afrique basala kabongo. On demande, on pose la question au conseiller. Quels sont les objectifs, il y a président, na Union africaine, Mamouani. Conseiller à lobby, sur base, il y a un talent diplomatique de Félix, de notre président. Est-ce que Félix a talent diplomatique? Et journaliste, sans rire. Non, conseiller sans rire. Question à tourner, quels sont les objectifs? Il y a président de l'Union africaine. Il y a un service de talent diplomatique. Est-ce que Félix a un talent diplomatique? Talent, c'est quoi? Talent diplomatique, en quoi, en quoi, Bandeko oyo na ye bakate. Kindo ki apatia na Congo, on peut accepter. On accepte to yebi. To yebi kadiosha. Di, na journaliste kouto abandeko yoka posa seka. Era yo y conseye a Zoloba, le président a talent diplomatique. Quel talent diplomatique? Azwa yango wapi. Ah! Na bino moko pendenge bo vandi na kabeya ka mwangande bo zola nangaye. Vraiment. Ce que ozala ki na place a conseye à Félix. Est-ce que Félix a un talent diplomatique? Parce que talent, bazwa kayango, ola le lamuki au komi talenté. Talent bazwa kango par expérience. Expérience ya musala wana mingi mingi mingi mingi mingi ozwi talent nango. Totangisaka. Eza ba matière muso totangisaka. Tellement chaque semestre ozwi ko tangisa. Chaque semestre kaka ozo tangisa makambo wana. Peut-être n'a qu'au tala moi livre pour voir s'il y a des informations, il y a sika et yé, ma découverte à ce qu'il y a. Mais sinon, je m'assois, Liboso, je parle. Je parle parce que je fais 2 années en train d'expliquer ma même ma kambouana. N'a quoi associé à moi, peut-être moi, mouke, n'a ba update. Il y a biloko sika o ezo ya main. En tout cas, base, il y a matière. C'est juste ce que vous dites pendant des années. Ce que vous enseignez pendant des années. Alors, Lelo Félix a commis un talent diplomatique. Dites-nous, talent diplomatique Oyo, Azu Yango, Wapi, Mokolonine. Pour CV na yeto mona, CV a Félix. Bon, qu'il y a na Google. Président Nyonso ya monde. Mais bon, c'est la R Moko, vous appelez na confinement. Lelo pe ezali le premier. Lobby ezali samedi bokende sika mokote. Er moko zui même téléphone na yo otie Google. Luka CV, Luka taba président 3-4 ya monde. Beta Macron par exemple sokoza na France. Okomona Macron abota ma wapi? Ba papa na ye mama na ye nani? Akoli wapi? Atangi wapi? Asali wapi? Expérience na ye azui wapi? expertise na ye soki azali nango ezali na nini azali eli par combien de voix bureau par bureau na France combien ba votaki ye et Macron président de la République française beta premier ministre Trudeau na Canada vous allez voir Trudeau son père sa mère où il a étudié vous voyez que Trudeau azala maître professeur et école secondaire mais papa naye azala ki mutu oyo ba canadien balinga kamingi les canadiens aiment beaucoup le papa de Trudeau. Les Canadiens aimaient beaucoup le papa de Trudeau. Alors, quand vous tapez sur Google Trudeau, vous allez voir, il était né quand, les noms de son père, de sa mère, où il a étudié, quelle école, quelle université, où il a travaillé, comment il est arrivé là où il est, combien l'ont élu, bureau par bureau. Alors, bandeko, soki nazali ko kosa, bonzo akaka Google place bo vandi, na ba telephone na bino, bo beta Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous allez voir eloko nini. Deux présidents na monde. Oyo, bo kokoya makari kari place ozo vérifier. Keba, na sima, libende za la te po di koshi ko otuta na se. Deux présidents na monde. Félix Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila. Oyo, soki bo beti na Google, lo mona kaka kombo ya papa na ye, mama na ye, président ya Congo. C'est fini. Bozali wana. So, même yomoto zoloba okosi, ozali wana. Longola na ndamba kindoki. Longola kindoki, mon frère, ma soeur, chada no pembeni. Beta ka kombo Félix Tshisekedi, beta kombo Joseph Kabila, beta Macron, beta Trudeau. Okomona. Eloko nini okomona. Ya Félix ezali, okomona kaka, place a botani, kombo ya papa na ye, Komba mama na ye. Ba sote étude. Ata eloko ikeleve. Ba sote musala, experience. Ata eloko ikeleve. Boum, bala moko président de la République. Ba nani ba votaki ye bureau par bureau, ikeleve. Eske na kosi. Ngape na komi yisusu mkondi ya Google. Na yibi Google te. Na sala kuna te. Tozo itilizango lokola bato nyonso yo nangai. Soki na kosi, oui, ozo kosa. Alors, prouve nga ke nazo kosa. Nga na yibisi bino ke, ngai na pesa, babe nga ngoni no Kongo, TP. A devoir na ba étudiant. Ba luke langa ba profil ya ba président ya monde, banda 2010. Ba tchango na groupe. Ba président européen, ba président africain, asiatique, américain. Batye langa, ba profil na bango. Maximum 3 pages. Na moutou, moko po iza batou msousou, eko yiko ya ba page ebele. Mes chers amis, je vous dis, ba étudiant, ba kamwa, ya ke deux présidents na monde. Oyo, aucune information. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi Tshilombo. Na kosi. Na kosi. Soki na kosi. Bobi misa CV total. Peut-être que Google a komi Mouyaka. Google pe komi Apareko. Google pe komi Lamuka. Google pe komi Sénégalais. Alors, Bobi misa tiko CV na bino total. CV ya Félix. CV pe komi problème. Parce que Bobi misa tozo kosa. Alors, publiez le CV ya président. C'est pas secret un CV d'un président de la République. Wana koute lo kwa la d'abord, ba publia kango, avant koute campagne électorale, po batu ba mona, moutou o na zo kene ko vote, a woti wapi a salanini. Bon, peut-être bozala ki okipe pendant campagne, mwen bo bimisango ezate. Alors, bo bimisa CV ya Félix, sortez moi CV ya Félix. Yanga yi so yibolingi, propose une émission, moutou a Félix a ya, ngana ya na CV nanga, yepe a ya na CV ya Félix. CV nanga se 32 pages. CV Nangai, c'est 32 pages. Actualisé dans le Koloba, dans le mois passé. Dans le mois passé, CV Nangai, c'est 32 pages. Mais si vous avez Google, il y a pas un profil, il y a Félix. Une phrase. Paragraphe, écoutez, phrase. Oh, phrase, ni ne connais pas, peut-être 32 pages. Non. J'ai dit, c'est vrai à Félix Ezali, une phrase. Félix est né à Kinshasa, fils de Tien Tshisekedi et de Marthe, président du Congo. Point. C'est vrai à Félix Yangwana. Point. Je vous dis, c'est vrai à 32 pages. Alors, bon, Luka, nani vrai béton? Nani vrai béton? Ah, mais Jean-Pierre Nazolo, Jean-Pierre Kande, moi j'ai dit, mon CV c'est 32 pages. Alors, passez la télévision, envoyez un représentant de Milvor, choisissez une télévision, Nagoyana CV Nangai. Et mon CV, je vous dis, chaque étape de mon CV, lien Ezali, lien, adresse courriel, numéro de téléphone, pays, Bobenga, Botunabango. Alors, un président de la République, parce que vous me demandez, et toi, ton CV. D'ailleurs, moi, je ne suis pas président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. Parce que le président de la République est obligé, Nabi bien, obligé de publier son passé. D'où il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à un moment où Tozali. Le président est obligé, mais les citoyens congolais, Toza, obligés, t'as publié, bah, c'est Nabi. Nous ne sommes pas obligés. Mais le président est obligé à publier passé Naïe. Et je vous dis, le passé de Félix, c'est une phrase. C'est Nakosité. Ndengo Vandu na Kande, soyi Pierre Kande. Il est ici sur Facebook. C'est un Milvor. Kande place au Vandu, Moni déjà. Le corps de commis et toi et ton CV, c'est que Moni. C'est que Moni, CV à Félix, une phrase. Yango si tout dans Yangaï. Moi, je ne suis pas. Nazali na fonction, Mogote na Congo. Je suis citoyen libre, ordinaire, simple citoyen. Alors, ce qui au lingi au monde a sévé nangana publié yango, organisez-moi de bonnes élections. Bobi misana no bapaya, ba camarade nabino ba okipe mboka na biso. Sortez les Rwandais chez nous, les Ougandais chez nous, organisez des élections crédibles au komona kabambi na sévé. Oko kangama munoko kotika la yako pwelele okufi oko comprendre te mais mutu oya batamaka wapi CV Ezali 32 pages. Alors tozo ya pona mboka parce que mboka batchango na potopoto moko ndenga wasakana te mais il y a des gens comme so moni ba Milvor ya boye. Camarade de côté, hein? Camarade de thé. Il y a des gens qui sont beaucoup même dans Nzela Boué. Akoka Okamukubwa. Ah, grand prêtre. Baza Ibele. Naïm Sagabi, non. Même Yemoko Etienne Tshisekedi Mulumba. Mais non, akose galete. Toza batupo. Et pas Nabino, Moutoumoko Aleka Tshisekedi Mulumba. Oh. Nga Moutako Yiko Leka Ngaï. Nako Sepela. Nazomo na batumususu de jeunes. Azan expérience ya koleka ngai bazali. Azana de diplôme ya koleka ngai bazali. Mais epa ya batu oyo, mutu moko aleka Etienne Tshisekedi Mulumba te. Etienne Tshisekedi Mulumba sa top ye. Kotanga, ye le premier. Expérience, ye le premier. Makambo ya démocratie, ye le premier. Nyoso, ye le premier. Félix peba komisye 42. Félix le premier. Oh, kindoki, ndenge nini babo frère oyo. Alors, Tokei Moulaï, parce que je parlais à discours ya Mate Fayulu, et ceux qui bolingi ba CV na biso, organisez-nous de bonnes élections, sortez d'abord ba payandegi na wuti koloba, organisez de bonnes élections, et vous allez voir ba CV ya ba Congolais. Ba Zali et Belé, vous allez voir. Bokomo na yango. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? a nommé un informateur kabiliste, Baati Luketu Azali kabiliste de sang, na yebite quel jour Baati système oeza na kati na ye, na kati na ye, na yebite Félix a lavé ye mukolonini, Baati Luketu est devenu saint. Ye mutazali informateur et probabilité pe ezali ke akoma premier ministre. Ma bibie, probabilité ezali akoma premier ministre. Qu'est-ce qui a changé? Ilun kamba kabiliste. Ilun kamba na Baati. Ce sont des amis bakutana na kabilisme, na système kabiliste. Alors, qu'est-ce qui est différent entre Ilou Kamba et Baati? Rien. Bango mi balé na commun c'est Kabila. Na commun c'est Kabila. Alors, il sera premier ministre. Vous allez voir, il y aura des vice-premiers ministres. Il y aura trois ou quatre vice-premiers ministres. Bemba, Katumbi Alingite, parce que Katumbi Alingi Batubamona ba insuffisance na yete. Il est sage. On nous signale que Katumbi Alingi Kozarate, mais Katumbi va proposer une autre personne. Et Moutou Katumbi a proposé Boyebi. Olivier Kamitatu. Toyebi. La présidence nous signale, Félix est d'accord pour que Olivier Kamitatu soit mandaté par Katumbi. Yé Alingite bon. Aza mayele, aza sage. Alingite baya komona kibuzo banaye. Alors, maintenant, Gotye Baati Luketu informateur. Degena outi koloba, c'est probable qu'il devienne premier ministre. Et parti politique naye ezali majoritaire na Union Salé Nabino. Et savez-vous, le deuxième parti majoritaire na Union Salé Nabino ezali nini? Ezali FCC. Donc, Baati premier ministre, Baati a kozala na nombre ba ministre ebele, et à deuxième position, batou ba kozala ba ministre ebele ezali FCC. Parce que bazali deuxième parti na kati ya Union na bango o ezali majoritaire. C'est logique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Mais, bino bolobi, ce qui est une logique, vous avez dit FCC Koufi, Batunion so bazaki na katia FCC, Bakomi Batuya Sika, ils sont devenus des saints. Donc, à qui na vision ya Félix? C'est-à-dire, c'est un autre parti. C'est un parti qui vient d'être formé, qu'on appelle Union Sacrée. Et pourquoi considérer Baati? Parce que ces histoires-là de partis politiques au niveau FCC Cash, c'est fini, c'est enterré. Maintenant, vous avez formé un groupe, Union Sacrée. Il fallait qu'on voie. Na Union Sacrée wana banane baza majoritaire, ezali bato baza aki na vision ya chef de l'État. Banane baza majoritaire. C'est cette vision, leader PES. Il fallait tout le monde à premier ministre informateur Kabuya ou bien Kabund. Et quand on parle de cette vision-là, dites-moi, est-ce que Félix aussi a vision? Non. Ne rigolez pas parce que j'entends parler de cette vision. Na tikala ko yoka yete apesa même point moko ya d'état ya vision na ye. Na yoka kaka vision ya chef de l'état. Vision ya chef de l'état. Mais c'est quoi au juste cette vision là? Bon pesa na ta d'état y moko ya vision ya chef de l'état ngo. Na monate ata écriture moko ta phrase moko ya vision na ye. Ye mokope na yokate a explique vision na ye zalini ni. Mais na jo kaka slogan, vision ya chef de l'État. Vision ya chef de l'État. Au juste, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision-là? Aidez-nous, parce qu'il me représente quand même. Hein? Est-ce que vision en anglais en a quatre? Je suis considéré dans cette vision-là. Alors, c'est quoi cette vision-là? Bon, bimanaba slogan, dites-nous. Vision ya chef de l'État, nabino tozoyo kaka, vision ya chef de l'État. Vision ya chef de l'État. Vision ango, ye moko aloba ya ngote. D'abord, il est venu sa programme. Ngam na lobi angote, ye moko aloba. Il est venu sans programme. Il est venu comme stagiaire. Ye moko aloba angona radio Okapi. Ce qui n'a pas eu pouvoir, Kabila a une expérience, Kabila moutako la kisangaye. Maintenant que Kabila la kisye, a bengani maître. Maître batindye na kiba. Alors, le programme au juste, il y a président, ezanine, moutumoko a yebi angote. Vision na ye moutumoko a yebi angote. Kaka ye moko na ba milouvor, vision à chef de l'État. Vision à chef de l'État. Milouvor moko ta koyiko ya koyif sabiso, vision na au juste ezanine. On a peine à cause, peut-être j'ai raté cet épisode. Si j'ai raté, dites-moi cette vision, c'est quoi au juste? Bon, peut-être qu'il y a un point, il y a vision. Là, y ah, vraiment. Notre pays. Bon, moi je sais, Félix, ce n'est pas quelqu'un qui peut venir avec une vision. Le programme d'abord, Azala Nangote. Alors, vision en aïké levé, ils allaient kaka, ou bika ba milouvor, hein, ce qui ba meli soupo, waouh, waouh, waouh, ba milou. Vision aïké levé, kofingate, pesan de vision. Mou pesa vision, tatouane, mou pesa vision. Oh. Na salipe ma bé, ce qui na sengi vision, et comme ils sont secrets. Bon, bonobi, CV, et ça, secret à présidence. Baro ministre à CVT. Bon. Vision paysa sous secret. Tant à tout l'équila. Manseba l'équila. Mon pays sa vision. Slogan te vision. Bon pays sa bise zanine vision nabino. C'est quoi? Y'a président de la République. Nazo kango mingi. Ike leve. Exacte. Kadiosha. Vision est à la kate. Félix vous a promis une école de guerre. En tout cas, ce petit ici, il y a terrible ma promesse. Il vous a promis une école de guerre. Pas une école militaire, mais une école de guerre. Parce que na quatre écoles, boyebi armée ezali une grande industrie. Bizo ba mboka to vandi, bozo mona armée bazo sala ba téléphone. Ah, armée coréenne, basala ka ba téléphone na bango. Armée coréenne basala ka ba char na bango. Hélicoptère na bango de guerre. Armée coréenne batonga ka ba pont. Armée coréenne. So bon moni ba ono mai. Boule beti mai. Armée coréenne, bo mona bango, na ba bateau na bango e flota kawana, ya ba mai, soye mai etondi, ko sauver bateau, ko secourir bateau. Parce que na kati armée, ezali na école militaire, université, oyo na tangi saka, ya un département, ya une faculté militaire. J'ai beaucoup de collègues professeurs, militaire. Baza ebele. Na li a republié la photo na bangote. Baza ebele. Presque, parce que je suis passé na faculté ya armée, je pense 3 ou 4 fois. Parce que j'ai proposé à ces départements, bien que ils allaient département militaire, pourquoi ne pas inclure Bakour, il y a droits humains. Et ça, c'est très important. Je pense que Anne Kouya, Bah, étudiant dans le département, il y a la faculté militaire, bah, il y a droit de l'homme. Mais le département m'a demandé de passer dans la classe qu'on a expliqué. Et à partir de là, je suis devenu un peu populaire dans le département militaire. Et j'ai beaucoup d'amis professeurs. Par exemple, colonel, généraux, mi balé, bazali. La plupart, par exemple, colonel, capitaine, qui sont professeurs. D'abord, ils sont docteurs. Et tangapé na académie militaire. Alors, yo, au lieu de ça, une école militaire, yo, au lieu de ça, une école de guerre. C'est différent. C'est différent. Alors, au lieu il y a une école militaire, une école de guerre, mais qu'est-ce qu'on voit à l'est? Ils allaient base militaire, il y a Rwandais. À l'obéissance, il y a une école de guerre. Mais au lieu d'avoir une école de guerre, il y a une base militaire, il y a Rwandais, dans l'est en Bokanabiso. Voilà, il y a Kabila, il y a Moutakotibango. Parce que vous croyez que vous avez si kana kasai. Ce qui se passe à l'est, ça ne vous concerne pas. L'armée rwandaise, base d'Abango, installée dans Bokanabiso. Pembeni ya volcan ya Nyiragongo. Wana pe Kabila mutayen ayen na bango. C'est regrettable. Pour Nassili, ça, il y a quelque chose que j'ai oublié, il y a qu'on mentionnait. Il y a discours, il y a Fayoulou. Nandenge à l'objet qui a consacré sa équipe naïe. Les Milouvards trouvent ça rigolant que Fayoulou a sali ça. A sali discours, il y a Ndengwana et puis a sali l'équipe naïe. Et ça, gouvernement bis. Il y a un mot Fayoulou, intention naïe. Mais, Milouvard, mémoire n'a pas de zalaka, Mouano. Mouano, écoutez, Mouano, mémoire des zalaka. Mouano, mémoire des Alakas, madame. Milouvor, Bossani, qui est Tien Tshisekedi, a prêté serment à la maison, la cuisine, naïe. Les photos sont là, vidéo est allée. Etienne Tshisekedi a prêté serment dans sa cuisine. Tien lié papier, à ce moment-là, malamouté, il a prêté serment à la maison. Il a formé son équipe à la maison. C'est normal, c'est bien, parce que c'est Tshisekedi. Et Fayoulou dit, a yé na discours naïe, a reformé équipe naïe, na hôtel naïe, ba Milouvor bazo seka. Bozo mona bande koyo, baza ma boma. Di, est-ce qu'il y a pas, na parler du peuple anan, même parlementaire moko vraiment, au vrai sens, il y en a pas? Proposer une loi d'interdire de manger le milou. Tala, tout le monde batou nyonso ou baliaka milou. Votre petit gars là, les journalistes là, ceux qui bossent singa, ceux qui bossent imbécile, c'est qui? Alobi y est pas lié à Kamboa. Bon, moi, mitou na yendengeza. Voyez-vous qu'est-ce qu'il défend? De proposer une loi d'interdire de manger la viande de Milou. Donc, Milou, caniche, interdisez, parce que Milou na bakaniche, mingi mingi oya savane, mweni na kote kune akabeya kamon. Ce qui mouta consommé, mais observez la société. Observez, chers amis. Oromo na batu nyonso o balia ka Milou. Surtout Milou wana na bakaniche. Ce qui est outa na savane ya kote akabeya kamon. bande kwa na ba perdre ba mémoire na bango ba raison na kasuti bango yake le nom de Tshisekedi o etambusaka bango muke. Alors tozali observateur ya ba société, on observe, to constater, to déduire et on prend des décisions. Ya wana ba député ba proposera ba loi ndenge wana. Qu'est-ce qui se passe? Ce de moni bande kona biso oyo. Ce qui bazali kolia eloko boye. Comportement na bango ezala kaboye. Est-ce que comportement wana ezali malamu biza mabe? Eza mabe koleka kutu coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Parlement, on propose une loi d'interdire la consommation de la viande de caniche ou de milou. Toko sauver bande kona biso ebele. Soki botali awa banane bazo finga. Na expliquera bino eloko yo parce que les gens qui me disent yo pourquoi kaka bango mais soki botali banane ba finga ka ba kombo ezandenge moko soki kaza da fingi yote ngo ya ko finga yo soki ngo ite muteba soki muteba te ilunga soki ilumba te ntumba soki ntumba te niembe soki niembe te. Donc, alors un intellectuel a ko déduire te pourquoi. Non, ne m'interdisez pas de réfléchir, d'observer, de conclure. Na mwana na unte njuzi ayako finga nga yao. Na mwana na unte nzao ayako finga nga yao. Na mwana na unte mwamboto ayako finga nga yao. Mem banda mubutu. Natiko mwana jame mwamboto afinga nga. Natiko mwana na unte lomboto afinga nga. Mais, Mobutu était de l'Équateur. Même période de Kabila, les gens se défendaient par rapport à la politique de Kabila. Natiko mwana na unte, parce que la plupart batwa Kabila, soko bomoni, bandekona biso ba chwailifon, la plupart ba yana Kabila. Je n'ai jamais vu personne à l'époque de Kabila se dire que nanazali chwailifon, soit nazali chwailifon ya Kivu, nazali chwailifon ya Katanga, pourquoi ozali kolobela Kabila, pourquoi ozali kolobela Janet, pourquoi ozali kolobela Baba Kyungu wa Kumwanza, pourquoi ozali kolobela Kibasa Maliba. Personne. Ba debat ozali ki nango, ezali ke bango bandeli ko protéger Kabila azala kaka, Kabila azala kaka. Mes chers amis, ce qui ozali oleka classe te, c'est votre problème. Moi, je suis intellectuel. On m'a entraîné comme ça. On m'a entraîné d'observer la société et puis de déduire. Mais pourquoi maintenant, les gens qui m'insultent, les gens qui nous attaquent, bazalina bakombe moko ya obédience, ya contre moko, c'est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité, c'est vrai. Qui est tribaliste? C'est celui qui est dans le tribalisme qui fait l'acte tribaliste ou celui qui dénonce le tribalisme? Chers intellectuels kasaïens, parce que moi, na lobaka mingi, na interpellaka mingi les intellectuels kasaïens. Ils sont silencieux. Au moment na bango moke inbox, ah prof, au moment batunabiso to yebi ndenge bazali. Mais non! Parce que leur comportement est allé pousser que tout le monde vous indexe bino nyonso. Parce que vous vous gardez silence, vous vous taisez. Na bande bâcle ya bande konabino. Vous allez ko se taire. Pourquoi parler de Félix, lire vos paroles na tribalisme? Pourquoi? Quand on parlait de Mobutu, ça ne nous liait pas au tribalisme. Quand on parlait de Kabila, ça ne nous liait pas au tribalisme. Quand on parlait de Mbuta Kasavubu, ça ne nous liait pas au tribalisme. Pourquoi quand on parle de Félix, même si Félix a commis quelque chose, une erreur, mais on le traite parce qu'il est président de la République, il nous représente. Mais avec nos amis, Félix Tshisekedi a nommé Mobutu. Les Congolais, Monique Moutouana, ce n'est pas la bonne personne à quoi ils ont nommé. Bandeko, nous sommes dans la casa d'ingoyi, ilunga mute, bangala molumentumba. Bangoni, nous sommes tribalistes. Mais pourquoi parler de Félix, c'est du tribalisme? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi nous disons, parce que les intellectuels, ceux qui raisonnent, nos frères qui raisonnent là-bas, gardent silence, qui ne dit rien qu'on sent. Qui ne dit rien qu'on sent. Vous avez vu une vidéo, il y a un petit garçon là, si Wakacha, avant de rassurer Wapi. On n'a vu aucun intellectuel Louba dénoncer ça. Aucun intellectuel Louba. Vous avez vu des vidéos, par exemple, de la femme là. Ou alors, insanité. Celle qui est arrêtée à Bruxelles. Je sais que ce qui dénise Dounitch, si c'est Dounitch, je vous avais dit, on nous a informé, on a parti à prison, en Belgique, arrêté depuis le 16 novembre. J'avais mis un défi. Mensonge. Bobi Misaye à l'Oba. Depuis le 16, elle est où? Ma nomination Yangoyo, Yazra Kalobaka Lobaka, elle est où? Elle est en prison en Belgique. Escroquerie. Escroquerie en Belgique. Arrêtez cette Denise-là. Elle est en prison. Balongola est en prison. Il y a Bruxelles, place Azalaki. Batinda est en prison. Il y a province. Les noms m'échappent. J'avais écrit ça quelque part. Batounakat est en prison. On a Bamonié. Ah, prof. Prof. Maman ou Denise, yeyu. Moi, il a filmé exacté. Tozana ya bakangi. Nin, escroquerie. Natchaki n'a défié tout le monde. Oh, balobaki, non, Azali. Azawapi. Publiez la vidéo. Soyez bon, publiez vidéo. N'a pas si binoka une semaine. Demandez à cette Denise à publier vidéo qui est yé bakanga yéte. Soyez bon, publiez moukolobozo, publiez vidéo wana. Moi, je me pends. Na tongo nango je me pan na kozwa singa na komi diembika bo mona na television na live boy na komi diembika soki une semaine yo cette Denise là a sali video ke ya azali vivante soit azali Kinshasa soit azali na Belgique soit azali na Peignon so video kaka acha date video acha date by scroll. Alors j'indexe l'intellectuel Louba parce que vous gardez silence dans le débat la bande konabino et vous venez in box quoi adoucir biso non prof tika kaka moni bande konabiso bazala kaka boye ba di cet orgueil biso ba luba to lingaka te ba to ba nyata biso di ngana nyata ka bango na nyata ka bino to lingaka te ba to ba nyata biso biso to zala ka boye c'est dans le sang. Quel sang? Le sang qui mouyibi. Quel sang? Le sang mouyibi, ya lokuta, kadiosha, kindoki. Ne, pourquoi ça? Vous allez mentir na ba Congolais oyo, ba kenda na no kasaite. Ba vanda na na ba kasaite. Bon, quand je dis kasai, ba ndekwebele ba komprena kate. Quand je dis kasai, mingi ariate, je parle ya ba ndeko na biso ba beau-frère na nga ba luba. Parce que dans le kasai, y a pas seulement le luba. Alors, soyez dans le kasai, Bandeko boza la concerné te. Parce que quand je dis Kassai, je parle ya babofer nanga. Babofer wana batu oyo ba yebi bangote. Batu oyo ba koza la intimide parce que ozala na bangote, okenana nukunda na Kassai te. Ce qu'ils disent ozoma ya que c'est vrai. Biso to kenda kuna, biso to bala bango. Nga na yebi bango de A à Z. Na yebi bango de A à Z. Une partie ya bandeko oyo, bazali très négatif pour le pays. Très négatif. Et les intellectuels se taisent. Au lieu ba pekisa bango, au lieu ba bima pour dénoncer comportement na bango, bango bazo landa biso inbox. Il y a un qui m'a dit non, prof, voilà, je suis professeur aux États-Unis. Je suis Louba. En réalité, ce que vous dites, c'est vrai. mes frères se comportent comme ça, tu comprends nakaté pourquoi ba attitude wana. Je lui ai dit, écoutez, collègue professeur, si réellement vous voulez aider nos frères, faites une publication publique. Ce que vous me dites là, faites ça public. Ah oh non, vous voyez, moi je n'aime pas me mêler dans des histoires. Ah bon, et pourquoi vous venez inbox? Pourquoi venez-vous inbox? Parce que quand vous ne dites rien, vous consentez. Comportement ezali mabe. Parce que ce qui est bien, le Congo, diversité, wana yaba tribu na biso, ezali. Ce qui est malam, bande que belé ba evita kakolo baba vérité. Ce qui est malam, y'a que nos frères louba qui ont des problèmes avec ba tribu nyoso. Hein? Donc, yo kaka, ba yinaka yo, yo ba yinaka yo, yo ba yinaka yo, ba tu nyoso. Ce qui peut aller mal en tribune à Bissonio, il y a que nos frères Louba qui ont des problèmes avec tout le monde. Alors, le problème, c'est qui alors? C'est vous. Félix Azo Kokate, Batoazo Luka solution proposée, on propose Arate, on propose quoi? Nous, on propose Félix de démissionner, qu'il quitte, Azo mérité si caractère, ce n'est pas une proposition ça. Vous voyez que Félix a connu qu'on nommait tout le monde. Abandi Moutouali Bosso, 80 millions d'habitants, chacun a tout des rôles à passer, travailler avec Félix, le Congo restera toujours comme ça. Donc, le problème, ce n'est pas les Congolais, le problème, c'est Félix lui-même. Le problème, c'est Félix lui-même. Comme Tolobaki Yango, 2021, nous allons nous faire entendre. 2021, Oyo, nous allons nous faire entendre. Pourquoi? Parce que c'est notre pays, nous sommes copropriétaires. Personne ne peut m'empêcher de me faire entendre. Personne n'a quoi empêcher les Congolais de se faire entendre. Maintenant que vous commencez, Bobani Moussala, et que dites-vous de deux ans? Oyo Boleki, Boleki si, ba détournement, ba assassinat. Il y a un jeune frère là qui vient d'être enlevé. Moi, en Abisso Moko, papa Naye Azali, le monsieur, excusez-moi, je vais chercher les noms. Papa Naye, il passe beaucoup à la télévision au Congo. Son fils a été enlevé, semblerait hier, par la police de Félix. Bah, Memiye, il semblerait enlevé na Ipen, na Kinshasa, et bah, Memiye na Nzela ya ba Congo. Nous demandons à Félix de faire libérer Mwana Wana, parce que Azali Mwana, si son père passe à la télé parler de la situation de notre pays, ce n'est pas la famille. Azali famille, libérez cet enfant. Je vais retrouver les noms de... voilà. Il s'appelle... Non. Le nom de son père, c'est Alain Bolonja, Alain Bolonja, c'est ça. Je l'ai vu une fois, deux fois à la télé, et récemment, à Zalaki, dans la télévision à Kinshasa. Et voilà, donc, on va kidnapper son enfant. Moi, na Salinine. Hein? Intimidez-nous par le travail, na Moussala. Bon, intimidez-nous na Moussala. Bon, Moussala, Moussala, tu vas l'intimider, tu vas l'obater. Ah, tu vas dire que tu vas dire que tu vas dire que tu vas dire que tu vas dire non, tu vas intimider biso na ko kanga biso te na ko beta biso te na ko bomate. Qu'est-ce que cet enfant Afe, soki bomoni mwana oyo azali quand même mwana moke, excusez-moi. Azali vraiment mwana moke, je pense que à l'équipe 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Si son père parle de vérité à la télévision, ça n'implique pas les enfants. Ça n'implique pas la famille. Voilà, donc libérez-les. Libérez-les. Ils ont à mon côté, bon intimider bison à boy. Bon libérer moi nabatou. Voilà. Il y a un autre idiot qui s'ajoute. Il dit ndeno yebi ke Félix Mutakangi. Ah, era mobutu babana ikoloba mutu nyoso ba okanga na IDPS mobutu Mutakangi. Era nyoso soki bakangi mutu na période ya Kabila Mutakangi. C'était normal. Kabila mutabande kokanga. Mobutu mutabande kokanga. Et maintenant que vous êtes là à la tête, et sika mobutu azalaki. Et sika Kabila azalaki, munde kona bino azana mutu ya mboka. Soki bakangi tolo bateke Félix, tolo basiko nani. À l'époque de Mobutu, si on arrête, est-ce que Mobutu partait à quel nambujima ya kangi mutu? Yo mutozo tu nangai cher milouvo. Aussi au mona Mobutu à l'époque de Mobutu, Mobutu ake nakabeaka mwanga kangi mutache na kasho. Ou bien alimusi mutu. Mais banda guru na bina ke se sekeri bwana okrié, Mobutu a arrêté. Mobutu a arrêté. Même avec Kabila, c'était la même chose. Et maintenant avec Félix, non, ce n'est pas Félix. C'est qui alors? C'est Mobutu? Voilà, mes chers amis. Oyo, Tolingaï Kolobalelo, Yangwana. Le reste, peut-être, on va continuer prochainement. Merci, Mingi Pona Kolanda Biso. Ndenge na lobby que ba Congolais, quelque part, Tozali déterminé, to comprendre les problèmes et. Nzamba kozala na biso na 2021 oyo boko yoka inaction de grande envergure. Voilà, ezali mboka na biso, la loi nous le permet. Alors yo soki oyé traître oyé osangani na banguna pona koboma Kongole pona biso na yo na banguna bino nyonso mbuma. Bon, likalakonki, hein, je pense. Likalakonki ou bien mbuma li dame, mbuma. Mboko eza ayote. Si vous travaillez to monike bozali ko sala na intérêt ya Congo, na intérêt ya ba Congolais, oui, mais 2 ans yango yo. 2 ans yango yo, loko ni to moni, ba détournement, ko yiba, lukuta, ba attaque, ko kanga, kofinga ko landa to komi ko sala na biso ba to sala ba entraînement o ki mambango te moi sport to sala na ndako to somi mo machine moko ozo tambula na yo malembe mais to komi ko sala entraînement ya mbangu lokola mboloko est-ce que moi na vie nga na yeba ki na ko sala vraiment entraînement ya mbangu na komi ko sala entraînement ya mbangu po na yebi trebe ke na aéroport mo ka so to kutani soit na vidie chimanga soit na kazadi soit na ntumba soki to kutani zala na mbangu kaka zala na mbangu alors entraînement kaka na zo sala entraînement ya mbangu oyo na kana kiti entraînement mbangu na pourquoi na yibi eloko mutute parce que na zo lobela mboka parce que ya une personne na mutu ya mboka na biso qui ne venu que pour détourner atondi sa baposhi na ye, asali sa famille na ye, basa enrichir na mutu ya ba Kongole, et Kongole a lobate, Kongole a kosolate, opposition ezalate, critique ezalate, dénonciation ezalate. Santo Antoine, kaka, Santo Antoine, papa na ye santo, akufa. Mo santo pe akufa. Et c'est maintenant que le milouvor se rende compte que Moutou soit koufi, il faut respect na ba mort. C'est maintenant. Mobutu ti lelo babande ko finga ye. Mobutu akoufa na Maroc. Le milouvo babande ko finga Mobutu. Maintenant que tu sais qu'il y a Koufa, la trahison, qu'on a été respecté les morts, est-ce que vous avez déjà respecté les morts? Kassavou Bouyewana, un président de la République, et Sika Bakunda yé naba Congo, dignité moko ezate. Respecter les morts s'il s'agit de Tien Tshisekedi. Respecter les morts. Mais Batumususu Bakasavubu, Batumususu Balumumba, Batumususu Bamobutu, non, okoliko respecter Bangote, so fingi bango, mwana mboka, voilà, mwana mboka ndenga zalaka, compatriote ndenga zalaka. So y komi Tien Tshisekedi, oh professeur ndenga nini, respecter les morts. Ba malade, ba milouvor. Voilà. Mes chers amis, to silisi wana, moutou na moutou a zala prêt. Moutou na moutou, 2021, oyo, yora de période toko tou nana, yo responsabilité na yo e zala kenin o sala kenin. Mboka yzo ken na derive. Moutou oyo ba tcheli biso, soko moutou, a memi biso mboka na derive. Responsabilité na yo e zala kenin. Qu'est-ce que vous avez fait? Après avoir kosikula mboka na biso, ça sera question de demander qu'est-ce que vous avez fait. Ezalite ngape na zaliawa, nganaza, qu'est-ce que vous avez fait? Tango yangoyo. Et si kadon so zali telema, mbuma ozana ngoyo esiko zali bwaka. Ezali façon na yo salisa mboka oyo. Kozela teke non mutu moka uta na lola, mutu moka uta boye po aya ko libere yo mboka. Aya ko bengana miyibi oyo bakoti na famille de voleur tribal. Et si kanyon so zali, ozali na mbuma, bwaka. Ozali na loko, bwaka. Kongo ako rekonetre yo. Ke non, soki leo to komi boye grasi ya ndeko wana. Mutu azwa ki le courage. Mutu azwa ki le courage. Kovanda kozela te. Parce que biloko ya kozela ah biso papa bino batu lobela ka mboka bolobini ni kasi non biso to lobela ka mboka yo kasi osala kanini biso to lobela ka mboka yo osala kanini ezali responsabilité ya moko na moko mutu na mutu atelema mutu na mutu asala selon possibilité na yo esika ozali sala komo wana tala. Ba Kongole ndi tozana, bande kona biso bazala Kongo, basi ba kufa kala. Er moko moi je ne comprends pas. Comment est-ce que nos frères et sœurs na Kongo bazo vivre? Yango na lobaka Kongo soki to tche yango bo transplanter Kongo, bo ye nango exemple na Corée, ou bien bo ke nango na France ou bien na Canada bien États-Unis. Mais Congolais qu'on vivre même pendant 500 boula 500 parce que souffrance ils en a kati ya mboka na biso au moins il y a des gens qui survivent bazali bazo pema miracle basi bakufa kala ce sont des squelettes qui bougent alors ndeko okoki kotika honneur ya famille na yo mubimba. Ba policier na biso, ba militaire na biso. Okoki kotika one na yo na famille na yo mubimba bokomi bero. Bokomi bero. Mbuma kaka serve les fruits. Serve les fruits. Okoko ma hero yo na famille mubimba. Lelo oba tulokwa ba Lumumba. Lumumba ti mukilwe go limwa. Na Kongo Lumumba kaka ozala na mitu wa Kongole ero. Lumumba kozala kaka ero. Mobutu memba tebele ba inakie na unité nationale. Kongo ti ye go limwa. Mobutu kozala kaka na mémoire na biso Mobutu unité nationale. Ndeko yopo ko iko sala kombo. Liberateur ya mboka na biso entel. Kozela te. Kena zela mutu moko boya sala na. Yoko yiko sala ngo. Yoko yiko sala ngo. C'est ça, sauver le pays. Mbou makaka serve. Serve. C'est facile. Acte kaka ya moi seconde moko. Eko koma ba siècle na ba siècle na mémoire ba congolais kombo na yo. Kombo a famille na yo. Ah, ba servir président Foui. Salim Abe. Président Lia Akaba Milou. Moi de série Fouezala. Après avoir Kolia Milou, hein, moi ba Foui Fouezala. Makalankonki, Manga, avocat. Oh, nyoso kaka olingi aliaka nyoso. Ye aliaka tu, aliaka. Agolia. Eza kaka ndeka ko servir yango. O servir yango deni. Avec respect. O servir fruit yango deni. Avec respect ou koma. Mais, on va voir. On va voir. Parce que, trop c'est trop. Trop c'est trop. Soyez Kabila, ça là qui 18 ans. Yo, ça là 18 ans. Oko, ça là 18 ans. On va voir. Merci, mes chers amis. Je pense que bon, kaboli vidéo, bon, l'andien au malam. Bonne année, bien que ma difficulté est allée belé. Bandeko Bozali na diaspora, toujours Western Union, ils ont continué. MoneyGram, ils ont continué. Bozo épargné. Bandeko, tu épargnes à côté, na diaspora. Parce que vous supportez ce qui se passe. Ba téléphone, koto ba benga, koto ba benga, abeli, abeli. Na ba to malade, yango koto, zela na passe yo so ya kwa koloba. Oyo akaka muta. Bandeko loba la yebi, oyo ka repose ka. Ah, otiki nga kaka boy, nakufa kaka boy. Siko yo, mutu wana soki otindite. Sege mutu wana kufi pona yo. Ye deze azo imsa yo ke, otiki nga nakufa kaka boy. Kongole okima mbangu na bank. Ake ndeka ka bimisa kaka ta mwa 200. Parce que mutu wana so akufi, fami bakolo bakufa kipo yo otika kiboy. Me bandeko ba, na Kongo, botu naka pea, bandeko bazan na diaspora, botu naka, ozo sala musala, eske ozo ali ko epargne? Parce que na poto, même ozo sala musala, ofuti nda kwa batute ba bengani yo. Olambite epa mamale ki tata kulutu ezate ke bana, boke ne pa mamale ikuna boke ne olia. Ndenge za na epa na biso na Kongo ba voisin, fami wana ba lambi na onte, a bana mikea, bope sa bango mwanda mbiloko balia. C'est comme ça chez nous. Mais na poto biloko nezate. Bozana nzala na kati ndako na bino. Ba voisin bozoka solo a bien zoya. Oyoka te koko kuna bolambi na onte, bozo andambo bo pesana na bana mike ana tanda bino mikolo bo bozela. Ezala kati, ofuti gaz abatute ba kati bino yango. Voiture parking ofuti te ba bloqué yango. Alors, bandeko botu na kapea. Est-ce que ozali malamu? Est-ce que ozo sala musala? Est-ce que bazo futa yo bien? Est-ce que moi possibilité ya kuepargner ezali? Bandeko na Congo botuna ke loko anati. Kaka tinda, kaka te, c'est comme si bandeko bazana diaspora, bazana banzete bakenda kobuka. Bazana banzete bakenda kobuka mbongo. Mais non. Bozala kaka peka même air moko na moi. Façon moko, hein? Bo bengi pe. Otu ni ndenge nini bino kuna. Musala ndenge nini. Me bozo ka bien. Covid yo batu ebele bazana bandako. Bate ebele misala yi diminye. So ya bandako ko sala peut-être 5 jours na semaine. Bakomi ko sala peut-être 3 jours na semaine. Bozo yeba ke Covid ezali me. Ko senga mbongo bozo tikate. To yebi ke pasi ezali. Me er moko pe mwa be exagération ezali. Net camarade moko abengi ya lobi menoi moi si ko nta benga ki zela ko tuna passé oyé na ebite so akwa koloba passé ngayé ah apate otiki nga penza na kufa boy nga na kufa na ngai na kufi ah ça va zela kasi zela le temps na télé ma quelque part na lukana explique ka yelinga na bengi camarade mususu odi. Yo vandi kuna yo ka même osala quelque part kuna mais otiki camarade wa kufa kaka boy azo kufa te balobi alinga kufa ye moka lobi azo kufa oh ya solo eh oh Patrick mena wudi ko so wana ye kaka sikoyo po tokozana na kinkole samedi ngabia osolo na im koloni abi kaka yo avao benganga je pense ba 15 minutes, 25 minutes, na solo li na ye toko sa na kinkole samedi. Abia, mon frère, tika blagona. Abi, bon, zela. Zela, na benga yo, na kocheo na conférence. Bon, ça va, abengiye. Minute moke, a chef na conférence. A tounye, mon frère, vous êtes malade? Si go zolo ba bien? Ah non, moni voisin na biso apesinga, soki babenga ango kisini ni wala soki dipiron. A injecte nga dipiron, yango na yoki mabi. Mon frère, kaka 8 minutes. Yo lingi ko kufa. Natika yo boyete yo ko kufa. 8 minutes après, o komi bien. O jour rendez-vous avec Nkole. Mon frère, c'est fini. Après, moi si, bana, kobenga, limbisa kaka papa, oza kaka moboti, limbisa, tala kaka mona ike, omoni moi passe au tindaki, esko moi oyo amoni a deranje, sosu paske ozape, batwe bele, yango kaka, lobi ndengwana, na yebi sakaye, azamu ninga na yo, azandeko na yo, loba verite, so zana bezwe ambongo, no, na kene kombele na mwa ba ninga, ako pesa yo so azana. Voilà. Ba stratégie kakawana. To yebi ke pasi ezali. Mais, bo yebi moutu ako yiko bongi sa fina mino. Bo tala bambongo. 327 millions de dollars, famille moko, moutu moko, ateko depose na Dubai. Mbongo le zambongo na yo, eko yiko kontribuye na salaire na yo. Yo vandi, beton, beton, beton. Mais beton, azuke neko sala ba depo na libanda, ba conseiller na ye. Bandeko ba vani na Canada, na o ba vani na États-Unis. Mikolo baza na chasse. Na bandako ba conseiller Félix Nyoso. Ma pangu Nyoso ba sombi bazo kolokalize yango. Boko mona. Na mbongo nini bazo somba. Vous laissez les gens qui détournent l'argent. Oyo bako yiko e debino. Et vous dérangez toujours batu baza na diaspora. Mais oyo diaspora zo yipsa bino. Bandeko bo salaboye. Bandeko to salaboye. Bino bo yiko landa angote. Mais elle n'y a pas Tinda. O Tinda, ça va. Bozo landa. Si tu as un code, oui, numéro, pesa numéro, wana bozo landa. Chiffre, moko bozo bosanate. Mais si tu as un sabino, que aide-nous. To sali sabino. Bo sali sabiso, po to sali sabino. Soulevez-vous. Bambongo wana nyoso bazo ke niko sala ba depo li banda. Olepe ba yiba. Par exemple, 327 millions de dollars oyo. Félix ayibi. Na yibi ke ayibi. Soki azwi mbongo wana, ake ko fungula mwa bank moka moke na kabaya ka mwanga. Kanda na bisho ko zala penza makasi penza mingite. Bien ka yibi, se kondanable. Tozali ko kondane. Me azwi mbongo wana, ake iko fungula bank na kabaya ka mwanga. Parce que na kati ya banka kabaya ka mwanga, ezali kaka ba kongole batu bako sala kuna. Ba kongole na bako zwa salaire. Mais il prend 327 millions de dollars, il va déposer na Dubai. Batu bako beneficier ba mbongo wana ezali ba kongole te. Na Dubai kongole moko atikala ko zwa ta un centime ya gouvernement ya mboka wana te. Kongole to zandenge nini. To zali ndenge nini. Er moko, to mona ke, eske, faudrait-il influencer Western Union, MoneyGram, bakata provisoirement, ba service na bango na Congo. Oui, parce que ba Congolais ba yeba, importance, ba mona souffrance, ya ba toa diaspora, pourquoi tozo se poumoner? Parce que nous ici, ngande na vandi awa na zangi lipate, na zangi ko melika ko melate, na zangi sika ko lalate, na zangi voati na ko tambola nangote, na zangi musalate. Mais soki tozo se poumoner boyi, des heures et des heures pour que bo comprendre, ezali pona bino batu bozali kuna. Alors maintenant, il faut influencer ba pays wana, ba compagnie wana, bakata nanu service ya Western Union, bakata service ya MoneyGram, bakata yango nanu, même pendant 6 mois, comme ça, bo yeba, responsabilité na binu ezali nini. Bon, tika pe ban dekwa diaspora, ba pe ma ba epargne ata mouke. Ba epargne ata mouke. Kaka bato ya diaspora, so ki ba ye na Congo, aye ma boko pamba. Lelo so akomi bo yambi, ya ye, noko aye, tatamwa se aye, noko aye, yaga. Wala, bine nous bozo tala yete, bozo tala basak aye nango. Bozo ralo bake no, futo kene matale to kene ko de douanye. Bozo linga, bozo zela alo bake no, mwa biloko etika li kuna na kene ko zo ango lobi. Boyo akeno, sika boye zandenge ninto somba. Soika ba moni un jour, deux jours, lisola matale ko de douanye ezate. Lisola kontener ezate. Ayo akeno, boye lisola ko somba talo pango ezate. Babandi kaka na munoko yi. Kaka kuyo mutu apoto. Ayene lokote. Aye kaka boye maboko na mako. Obosani ke ndeko wana abandai ko tinda chaque mois. Obosani ke olie a epanye chaque mois azo tinde la yo. Ba 500 euros, ba 500 dollars, ba 1000 dollars azo tinde la yo. E razo longo la po atinda. Kuna ezo bota mate, a longo lit. Souci azana ngo. Ndenge nga nazo lia na poto nazo tambula, bandeko nanga ba soufrir makasite, ba zange loka koliate. Ndenge nga zo tinde la bino, kote a longo liango, e bakisamite, e longwe, e tikali vide. Soke a zongi maboko pamba, bondi maye. Paske a bandai ko tinda, bondi maye. Me se rare. Se rare. Bako yambayo panda in semen. Soki ba yoki masola matalite, ba yoki masola ba kontener te, ba zo mona ba 100 euro e zo bimate. Ba komi ko sinyalio na mono komu. Maboko pamba. Ko simba nini na teza abana nanga. Obosani. Obosani kombia mandai kotinde la yo. Soko bandi kotanga chaque mois kombie. Okangisi yango. Ndekona ko somba lupangu te. Alors, batu oyo bazo maltraite bino bazawana. Me vous maltraite bandekona bino na diaspora. Bope sa bango ata, bope misa bango mamuke. Ba epargne ata mouke. Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci pour la Rolanda Bisso, merci pour la Nyonso, bonne année. Et tous allez toujours ensemble pour notre pays. Au revoir.